J'étais à la banque pour retirer 120 000 euros en cash, quand d'un seul coup, un type en cagoule avec un fusil se met à hurler « Que personne ne bouge, c'était hands up !» Là, une femme se met à dire « Ah !» Une autre tombe dans les pommes, et un jeune homosexuel mexicain se met debout sur le comptoir et chante « Oh, sale mère !» Bref, un gros bordel. Le gars avec la cagoule s'énerve et demande qu'on se couche sur le sol. Tout le monde s'allonge, sauf moi. Il s'approche et me demande si j'avais entendu. Je lui réponds, histoire de détendre l'atmosphère, « T'as pas déjà qu'à dire ?» Curieusement, ça n'a pas fait rien. Il me met son flingue sous le pif et me donne 2 secondes pour obtempérer. Sous la pression du canon, je m'allonge. Une fois au sol, il se trouve que j'avais pour voisine une jolie petite radasse qui était tellement traumatisée que son corps tout entier tremblait comme une feuille sous le vent glacé d'un automne prêt à laisser sa place à l'hiver. Histoire de la détendre, je lui dis « Cocotte, je peux m'allonger sur toi? Ton tremblement me donne des idées. » Ça l'a calmé direct. En attendant que le directeur de la succursale ouvre son coffre, le malfrat nous menaçait. « Ces chauvrins qui bougent, je les fais sauter les caissons !» déclare-t-il en hurlant. Ah, comme on était tous allongés face contre terre, je me dis, « Vas-y, Helmut, fais-lui une petite blague !» Je tourne mon visage de l'autre côté du voleur et je dis, « Le petit PD, il n'osera pas tirer. Oh, » ça l'a mis dans un état. Il s'est mis à tirer des coups de feu au plafond comme un Dalton. Et il a dit, « C'est sûr qu'il a dit ça, c'était dans ce pas immédiatement, j'ai tué un innocent !» À ce moment-là, le directeur de la banque lui indique que le coffre est ouvert. Oh, ni une ni deux, j'ai réagi. Eh ben, tu vois le genre. Si on vient pas avec un flingue dans cette agence, on est obligé de faire la queue pendant des plombes. Par contre, une fois armé, on a la priorité, on est servi tout de suite. C'est quoi ce bordel? Le voleur qui, cette fois, m'avait vu, s'est précipité sur moi, les yeux pleins de larmes, et a dit « Je sais, c'est pour ça que je suis venu avec un fusil. J'en peux plus de faire la queue. » Ça va aller, mon lapin, tout doux. Viens faire un câlin avec Helmut. J'ai pris son fusil, je lui ai fait un klein petit bisou sur le front, et il est parti. J'ai chopé le directeur. Il a promis d'ouvrir plus de guichets. Tout le monde a applaudi. Les femmes qui étaient présentes, plus les petits PD mexicains, se sont mis en groupe, se sont mis à chanter « Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime !» Alors moi, bien sûr, vous me connaissez. Je suis tombé sous le charme de cette déclaration collective. J'ai demandé aux 158 choristes de se déshabiller. Et là, pendant 233 heures, j'ai fait... avec tous les protagonistes. Ah, quel moment délicat de bestialité libidineuse j'ai vécu. Bon, je vous laisse, je vais me faire une autre petite banque. Allez, au revoir.